Allez, merci Laetitia Gaillet. Bon, bah, annulez tout alors. Ah, ben bien sûr. Écoutez comment nous avons préparé cette émission pour que tout le monde annule. Salut les amis. Salut Guillaume. Alors, vous allez bien? Ah bah, on bosse, on est à fond. Ah, c'est bien, moi je vais super bien. Ouais, super. Ouais, je me sens jeune. Oui, bah tant mieux, c'est bien, t'as de l'énergie pour trouver des sujets. Ouais. En plus, je me sens une certaine maturité. Ah, bah, je serais tôt, j'irai me recoucher. Non, mais attendez, vous n'avez rien à me dire là? Je sais pas quel genre. Non, bah un truc à me souhaiter. Ah oui, voilà, je te souhaite de trouver des bons sujets voilà. Pour l'émission. Non, mais bon, ok, bon, je m'y mets, d'accord. Allez, au travail. Bon, alors. Il manque quelqu'un autour de ta. Ah bah oui, elle a décidé de faire grève. Oh, ça c'est un beau cadeau, il y a un gréviste le jour. On va pas faire de sujet 3. Par pas solidarité. De sujet 3. Ah, bah ok, bah comme ça nous laissera le temps pour manger du gâteau. Oh, dis du gâteau, non. Là c'est bientôt les deux. Mais non, mais du gâteau pour fêter, mon ami. Mais allez, on pas au boulot là. Bon, bah c'est pas grave, faire, d'accord, hein. Au boulot, d'accord, voilà. Ok, les amis, ça va, merci. Ouais. Hein. Arrête de râler, je rêvais de bonne humeur. Ouais, non, bah ça va plus maintenant, c'est bon. Moi bon. J'ai un sujet. Ah, bon, vas-y, il y a un anniversaire aujourd'hui. Ah, bah voilà, vous y avez pensé. Franchement, j'ai eu peur à moment donné. L'actu, c'est le truc. Bah, actu, faut pas exagérer, je commence à être connu. Mais c'est les 70 ans de Donald Trump. Donald Trump, 70 ans. Ah, bah c'est le même jour que. On a préparé quelque chose pour lui souhaiter. Ouais, regarde. Voilà. Joyeux anniversaire Guillaume Maurice. Ah, ah, oui, merci les amis, merci. Bon, allez, on peut voler là. Hein. Ah, bah, attends, bon. Bah, c'est mon anniversaire. Bah, tu crois que Donald Trump y glande le jour de son anniversaire? Oh. Ah bah non. Pardon. Bonjour la France Inter, bonjour à tous, vous écoutez l'émission qui tricote l'actualité. Voici les trois informations dont tous les points à l'endroit vont finir à l'envers à 18h. La France croule sous le nombre des candidatures à la présidentielle, mais celui qui récolte le plus de popularité n'est toujours pas sûr de se lancer, alors beaucoup l'y poussent, c'est Nicolas Hulot. Et nous n'avons pas de son, car une partie de l'équipe est en grève, voilà. Alors, le nouveau maire de Londres va interdire les injonctions à la minceur dans les publicités qui tapissent les transports en commun. Nous n'avons toujours pas de son, car une partie de l'équipe d'Adulto est en grève, voilà. Et nous ne serons pas en mesure de traiter un troisième sujet, donc, puisqu'un membre de l'équipe Ah, il y a quelqu'un grève, en grève dans... Et voilà, et donc comme quelqu'un de l'équipe est en grève, on ne peut pas assurer toute l'émission, parce qu'il manque quelqu'un, c'est comme ça que ça marche. À cause de Myriam El Khomri. El Khomri, si tu savais, c'est loin. Et je suis accompagnée de celui qui est capable de se mettre en grève. Tout ça parce que Michel Thor n'est toujours pas entré dans la playlist de France Inter. C'est Alex Vizorek. Oui, mais je suis pas prêt de retravailler du coup. Oh, quand même une belle équipe malgré ce jour de grève aujourd'hui. 17h20, avec son patronyme italien, je vis assez mal le fait qu'il vienne me narguer aujourd'hui après ce difficile 2-0. Le catenaccio de la chronique. Monsieur Colucci, bonjour. Bah, c'est normal. Pourquoi vous allez nous parler? Pas de foot, c'est interdit. Non, je vais non. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de la société de consommation et de ses excès, notamment en matière de nourriture. Très bien, 17h30, c'est son anniversaire. Bon anniversaire, oui, oh, c'est gentil. Et donc, logiquement, il ne fera aucun cadeau à ses interlocuteurs. Bonjour. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Et ben moi, je suis allé à un colloque dédié à la finance, figurez-vous. Un monde de rêve où des passionnés travaillent pour... Pour une fintech dans la gestion d'actifs, on développe un logiciel en mode SaaS à destination des gérants. Oh le rêve, oh la passion. Oh, le glam. Et 17h40, l'homme qui dans ses chroniques fait l'inverse de l'équipe de France dans leur match, puisque lui commence très fort, c'est Thomas VDB. C'est bien moi, et aujourd'hui je vais vous parler des 1800 chanteurs et artistes francophones qui s'allient pour la préservation des quotas de la chanson française qui doit passer à la radio. Vous êtes un passionné de ça, oui. C'est déjà très compliqué à expliquer, je trouve. Et aujourd'hui, le référent de la République qui préside cette émission est née sous Mitterrand. Vous êtes révélé au cinéma dans Les Beaux Gosses de Riyad Sattouf en 2009. C'est l'année où Nicolas Sarkozy tombe dans les pommes des jardins de Versailles. Pas dans les mots, n'importe où. Hein. Vous jouez ensuite dans Camille Redouble de Noémie Lvovsky en 2012 quand Chaim chante Et alors ? Vous ne pouviez pas le savoir parce que c'est un titre qui est passé inaperçu sur France Inter. Et vous présentez votre premier one-man show en vrai en 2016, l'année où Bruno Le Maire remporte le prix de l'humour politique. Et vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes... Bah c'est moi, je ne savais pas en fait que vous parlez de moi, mais c'est Anthony Sonigo. Ah oui, oui, oui, oh, la chance. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Anthony Sonigo. Qui vous a mis sur la voie que c'était vous? Bah, c'était la fin. Oui. Vers la fin, j'ai compris que c'était moi au début, je ne savais pas. Le one-man show en vrai. Mais surtout aussi le film L'Idéal qui sort demain au cinéma. Évidemment, évidemment. Alors L'Idéal. Réalisé par Monsieur Frédéric Bagbédé. En personne. Vous l'appelez Monsieur. Un film qui sort demain où vous jouez avec Gaspard Proust, Audrey Fleurot ou Jonathan Lambert. L'Idéal, alors c'est une parodie de L'Oréal, on peut dire. Une parodie du monde de la mode, une satire. C'est l'adaptation du roman Au secours, pardon, de Frédéric Becbédé. C'est à la fois la suite de 99 francs et pas vraiment, puisque Octave Parango, le héros, est désormais chasseur de mannequins, en fait, pour le compte de L'Idéal, cette grande boîte de cosmétiques. Vous, Anthony Sonigo, dans le film, vous représentez quelque chose. C'est-à-dire, c'est un monde où il y a beaucoup de filles instrumentalisées, beaucoup de mannequins. C'est une boîte où il y a des gens qui s'occupent de marketing, de produits de beauté, etc. Vous, vous jouez un peu le côté stagiaire. Quel est un peu le symbole de votre personnage dans tout ce monde là qui paraît dingue. Mais en fait, ce qui est drôle dans ce personnage, c'est que c'est un personnage, comme vous l'avez dit, c'est un stagiaire de la boîte. Mais en fait, les gens qui vont aller voir le film vont pas comprendre la vraie identité du film, puisqu'on ne comprend pas trop finalement. Mais en gros, il était là parce que c'était l'héritier de la boîte, en gros. Ah oui. Donc voilà, ça c'est pour attirer les gens. Moi qui ai vu le film, je ne l'avais pas deviné. Oui, voilà. mais en gros, voilà, il représente un peu le petit bonhomme qui se fait aussi embrigader dans cette grosse machine dictatoriale, un peu de la mode et tout ouais, ça. Oui, dictatoriale, carrément. Ouais. Donc vous êtes en petit costume, comme ça. En petit costume. Ouais, c'est la première fois que je me trouvais bien habillé au cinéma. Oh, et c'est dans la vie tout court aussi. C'est important de rappeler pour les auditeurs qui ne savent pas qui est Anthony, et s'ils ont vu Les Beaux Gosses, mm-hmm. que c'est toi qui joues le copain de Vincent Lacoste dans le film et qui a une coupe de cheveux impossible, de jeune freluquet. Des Beaux Gosses à L'Idéal, vous ne faites que des films avec des chouettes titres qui sont valorisants pour vous, en tout cas. Alors, c'est une satire contre les canons de la mode et de la minceur, mais où il y a beaucoup de canons de la mode et de la minceur. Il y a des mannequins, il y a des jeunes femmes. Alors, Octave Parango, le héros, est un petit peu un chasseur de mannequins, chasseur de têtes, surtout dans l'ancien bloc de l'Est et en Russie, où il travaille pour des oligarques au départ et puis après pour L'Idéal. Mais donc, vous avez joué, en fait, avec... Il y a beaucoup d'actrices qui sont des modèles ukrainiens, russes. C'était pas gênant, ça, de tourner avec... C'était un peu compliqué, vraiment c'était un peu compliqué, il y avait une scène dans le film où je me retrouvais avec deux espèces de grandes femmes, j'étais tout petit à côté, j'avais l'impression d'être Nicolas Sarkozy, c'était très plaisant, mais surtout voilà, c'est un film qui est porté, comme vous l'avez si bien dit, par Gaspard Proust, Audrey Fleurot et Jonathan Lambert qui est... Racontez-nous tiens, le personnage un peu de Jonathan Lambert qui est quand même assez exceptionnel. Bah, c'est un personnage en fait... Qui est inspiré par quelqu'un que... Oui, un véritable, voilà, l'ancien directeur de Lancôme, qui a une marque qui appartient à L'Oréal. Voilà, tout à fait. Et qui a changé de sexe, qui est un homme devenu femme, véritablement. Et quand ils ont travaillé le rôle, ils ne voulaient pas trop que ça penche dans ce que pouvait faire Jonathan à la télé. Voilà, ils ont trouvé un juste milieu, le personnage est juste ultra drôle, et je pense que c'est un très bon rôle. Voilà, on le redécouvre dans son jeu d'acteur. Oui, surtout, il est habillé en femme. Et surtout, moi, j'étais un peu dans les coulisses, il a eu l'élégance et la classe de dire à Frédéric au début du tournage, je ne sais pas si je pourrais le faire, je voudrais passer un essai. Et il a vraiment passé un essai pour le faire. Et... Comment c'est l'ambiance de tournage avec un Frédéric Becbédé comme réalisateur? Bah, vraiment, c'est très cool. C'est très zen. Mais il est chef ou c'est l'anarchie ou... Non, en fait, il est chef, mais dans une zénitude totale. Donc, on est là, on peut lui proposer un peu tout. Et c'est un peu ce qu'il veut, il dit oui, il dit non. Et ça se passe vraiment très, très bien. Comme Charlie. Et alors, c'est un film où il y a aussi un moment, véritablement, des femmes et les Pussy Riot. Oui. Hein, donc, il n'y a pas que les mannequins. Il y a aussi une espèce de mélange des genres... qui est assez fou. Bah en fait voilà, c'est j'en perds mon français. C'est pas grave, vous savez qu'on coupera au montage à 17h16 en direct. Non, ça tire du film. Frédéric parle un peu de ce monde de la mode, un peu voilà. Tout. Et il y a un côté un peu politique qui voilà, arrive. Donc ces femmes et voilà, c'est possible. Right out, right front, on a gagné one quoi, mais bien sûr. En tout cas. Le film est très réussi. Voilà, franchement, je peux le dire avec un peu de distance parce que vraiment, je dis aux auditeurs, si vous m'aimez beaucoup, allez-y. Malaisie, mais je joue 4 secondes dans le film, mais c'est pas ça. Malaisie, parce que c'est, vraiment, c'est un très très bon film. Et on rit. Et l'idéal. Et la force de Frédéric, c'est qu'il dénonce ce monde tout en étant dedans. Oui, bien sûr. C'est la grande caractéristique. Voilà. Si vous avez aimé 99 francs, en tout cas, vous adorez. Qui n'est pas la suite logique. Non, pas tout à fait. L'idéal de Frédéric Becbédé, qui sera en salle demain avec notre invité, bien sûr, Anthony Sonigo, et avec Gaspard Proust, Audrey Fleureau et Jonathan Lambert. Nous sommes sur France Inter, où on attend bien sûr la chronique et de Marius Colucci et de Thomas VDB qui va tout exploser. Calmez-vous. Le reportage de Guillaume Meurice. Et je vous rappelle que c'est la grève. Si vous défilez, vous pouvez nous réécouter en podcast sur franceinter.fr, camarades. En tout cas, ça s'écrit C-A-P-S-I-Z-E-D, si vous voulez le noter chez vous, bien sûr. Vous êtes sur France Inter, on est en compagnie d'Anthony Sonigo. Franchement, j'aurais pas cru que j'étais sur France Inter. Moi, j'étais dans ma voiture, j'écoutais ça, c'était pas France Inter. C'est vrai ? Ouais, moi j'ai kiffé. Ah ouais ? D'accord, oui, donc effectivement. Vous n'allez pas rester longtemps. C'est ce qu'on appelle un standard. Programmation musicale de Chewbacca, oui, qu'on embrasse. Vous allez voir le physique de Chewbacca, vous allez retirer ce que vous venez de dire. Et autour de la table. Et autour de la table, par ordre d'apparition, M. Colucci, M. Meurice, dont c'est l'anniversaire, et M. VDB. Bon anniversaire. Et merci. L'information, c'est maintenant. Et c'est sur France Inter. Et là non plus, vous n'allez pas reconnaître l'information sur France Inter, je vous le dis. Bon. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. La Russie est menacée d'être exclue de l'euro en cas de nouveau débordement. Oui, le MEDEF se dit prêt à engager les supporters russes pour les glisser dans les manifs contre la loi travail. Début juillet, Michel Onfray dispensera des cours au Zénith de Caen. Oui, Mylène Farmer est annoncée en première partie. Et des brèves ? Ah bah oui, je suis au Zénith de la brève. On commence donc par l'Euro 2016. L'UEFA envisage d'exclure l'équipe de Russie en cas de nouveaux incidents avec des hooligans. Ah oui, ça c'est un message fort. Oui, oui. Bah, ouais, que ça, les autres équipes sont prévenues, on peut saccager une ville une fois pendant l'Euro, mais pas plus. Notez qu'un député de Russie encourage les supporters à se battre. Igor Lebedev a déclaré sur Twitter « Je ne vois pas ce qu'il y a de mal avec le fait que des supporters se battent ». Mais oui, pour les huitièmes de finale, Poutine va venir torse nu affronter seul les hooligans adverses. Amis russes, on a confiance en vous. France, oui. Loi de travail cette fois. La tour Eiffel est fermée toute la journée. Oui, tu m'étonnes. Après sa première nuit en LGBT, je comprends qu'elle reste fermée le lendemain. Autre hommage. Au Canada, le Premier ministre Justin ou Justine, je ne sais jamais. Tout le monde me dit le contraire. Justin Trudeau a organisé une conférence de presse avec son opposant, Thomas Mauclair, et ils se sont embrassés sur la bouche. Ah, disons que si on compare avec la France... Bah, c'est comme si Manuel Valls embrassait sur la bouche Nicolas Sarkozy. Alex. Non, je ne dis pas que j'aimerais qu'il arrive quelque chose dans le barret, mais... Italie, voilà. Silvio Berlusconi a été opéré aujourd'hui, opération à cœur ouvert. Oui, et c'est pas facile hein, quand ton cœur a quatre fois l'âge de tes conquêtes. C'est toujours difficile. Cette information assez incroyable, oui. Michel Onfray va faire le Zénith de Caen. Oui, vous avez bien entendu, le Zénith de Caen, on a voulu en savoir plus. Michel est en ligne avec nous, je crois, Michel. Ouais, quand est-ce que vous êtes là? Oui, Michel. Je vous entends pas, quand faites du bruit. Michel. Oui, pardon, excusez-moi, je vous entends en fait. Oui, pardon. Donc c'est décidé, vous faites le Zénith de Caen. Oui, c'est bon. Alors mon prod est d'accord, on va faire un gros show appelé Cosmos, son lumière, j'arrive en soucoupe volante et je chante toutes mes meilleures chansons. Ah oui, il y a une idée déjà de l'heure des chansons. Oui, je compte commencer par Dieu n'existe pas, c'est même lui qui me l'a dit. Oui. Puis je ferai mon tube, Freud nique ta mère. Oui, bien sûr, et enfin, je termine par une reprise. Ah, une reprise de Daniel Balavoine, la chanson Je ne suis pas un héros, même si je le pense pas tout à fait. Mais non, voilà. Merci Michel. De rien, je retourne me préparer. Est-ce que vous aimez Spinoza? Merci Michel. Merci. Alors on passe au sport. Oui, toujours avec l'Euro. La chaîne de télévision néerlandaise NOS est venue sonder les Français, un peuple très connaisseur de foot, les Français, pour savoir si les Pays-Bas avaient une chance dans cet Euro. Les Pays-Bas, ils jouent quand même pas mal. On les apprécie aussi. C'était un très bon pays de football. On espère qu'ils vont tenir aussi en tête avec nous, pourquoi pas. Ouais, ils ont une bonne équipe, ouais. Ah, les Pays-Bas, oui. Ça, oui, les Pays-Bas, oui. Bah, évidemment, je pense que... Oui, évidemment, je pense que les Pays-Bas ont carrément leur chance, si ce n'est plus que la France, même, je dirais. Et alors? Et après, ouais. Le journaliste a expliqué à tous ces gens que... Les Pays-Bas n'est pas qualifié. C'est pas vrai. C'est vrai? Eh bien, vous voyez, je n'en savais rien du tout. Vous n'êtes pas qualifié? Ah bah voilà, donc on est sûr de gagner. Voilà. Aucune remise en question du côté français. En même temps, quand on dit qualifié, on la ramène pas trop non plus. Là, vous parlez bien le néerlandais, vous? Très bien, Spinoza. Quand vous aurez fini, on pourra laisser parler notre invité qui s'appelle Anthony Sonigo. Bonjour. Mais c'est même pas son anniversaire. Dans l'idéal, demain, le film de Frédéric Becbédé, demain en salle. Premier sujet avec vous, Anthony. Nous avons l'embarras du choix face à tous les candidats à la présidentielle. Oui, gros embarras, faut le dire. Mais le plus populaire hésite encore à se lancer, c'est Nicolas Hulot. Il donnera sa réponse à l'automne prochain. Et quand il va se lancer, je peux vous dire, il va se lancer. Il va se lancer même avec toute une équipe derrière, écoutez. Allô, Nicolas. Oui. Allô, est-ce que tu nous entends, Nicolas? Oui, parfaitement, je vous entends très bien. Là, je suis en train de régler les derniers préparatifs, quelques vérifications. C'est formidable, Nicolas, mais prends ton temps. Oui. Prends ton temps. Je vais faire le maximum, je me lance, je suis prêt. Je me lance, c'est parti, à la grâce de Dieu. Allons-y, c'est parti. Oui, fais attention à toi, Nicolas. Je fais attention, mais vous le savez, c'est actuellement le point de long recul. Je ne peux pas faire demi-tour. Je vais tenter, c'est la tâche la plus difficile et la plus terrible qu'il m'ait été donné de faire. Nicolas, dans ma carrière, oui. Nicolas, si tu renonces, on ne t'en voudra pas. Non, je dois le faire, je vais le faire actuellement. Je dois le faire pour moi, pour mon image de marque et pour la France, je le fais. Alors, comprends qu'il réfléchisse à deux fois Nicolas Hulot avant de se lancer dans la campagne présidentielle. Vous aurez reconnu les inconnus. Anthony Sonigo, tiens, est-ce que vous auriez envie, vous, qu'il se présente, Nicolas Hulot? Qu'il se présente, je sais pas, il fait ce qu'il veut, mais moi j'aimerais bien me présenter par contre. Non, je présente. Ah bon? Non, mais Nicolas Hulot, c'est Ushuaïa. Voilà, j'allais vous demander, vous qui êtes jeune, vous êtes né en. Vous êtes né en quelle année? 92. 92. Est-ce que vous avez connu le Nicolas Hulot de la télévision? Vous le connaissez davantage comme. Moi, je connais ambassadeur de l'environnement. Moi, je connais plus, Ushuaïa. Ah surtout oui. Que quand je prends une douche, c'est Ushuaïa, donc il y a toujours ce rappel. Mais toujours une manière de ramener au thème du film, hein, l'idéal qui est en salle de bain, bien fort, sûr. Bien joué, bien joué. Mais c'est un personnage que vous trouvez, voilà, qui est assez populaire. Il trouve aussi grâce à vos yeux. C'est quelqu'un que vous aimez. Vous avez un a priori favorable. Notamment quand il conduit un ULM. Personnellement, moi, je le connais pas. Je sais pas si je le connaîtrai un jour, mais en tout cas, moi, voilà, j'ai plus cette image de lui d'homme de télé que d'homme politique, enfin qui faisait des, enfin, donc il y a encore des efforts à faire. Alors, on va lui dire, hein, on va lui dire. Non, mais moi, moi en même temps, je suis jeune, mais je suis vieux. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire je suis vieux dans je suis plus dans. Par exemple, moi, j'aime que les chansons anciennes. Les chanteurs morts. Je pratique ça aussi. Marius Colucci, vous êtes aussi. Moi, j'adore les chanteurs morts. Ouais. Comme ça, je peux écouter l'intégrale. Je sais qu'il n'y aura plus rien de nouveau. Je peux me faire ma compile et comme ça, j'ai exactement ce qu'ils ont fait de mieux. Mon Dieu. Je deviens fan dès qu'ils meurent en général, moi. Oui. Avant, je connais pas. Puis, par exemple, je suis fan de Prince depuis 2 mois. D'accord, très bien. Et sinon, les politiciens morts peuvent trouver aussi grâce à vos yeux, une fois qu'ils sont plus là, qu'ils font plus rien. Moi, pour de vrai, la politique et moi, ça fait 20. Je n'aime pas. C'est pas que j'aime pas, c'est que je vous faites un blocage. Non, mais on va en parler. Allongez-vous. Oui, vous êtes bien tombé, surtout ici. On est à France Inter. Qu'est-ce que vous pensez de Jean-Christophe Cambadélis, quand même? Je trouve déjà qu'il a un beau nom. Ça fait lisse de bateau. Ça amène à la croisière. Voilà. Au voyage. Anthony Sonigo, est-ce que vous êtes déjà posé la question, tiens, pourquoi est-ce que je fais un blocage avec la politique ou je m'intéresse pas? Vous pensez que ça peut venir plus tard ou vous êtes rétif à ça? Parce que je pense que c'est des sortes de. Ça englobe notre société dans une société, mais on perd un peu les valeurs de la vie, je trouve. Enfin, je sais pas, mais après, c'est. Ça vous semble pas sincère, peut-être? Ouais, voilà, c'est ça, c'est plutôt ça. Très bien. Est-ce que vous votez quand on pose cette question-là? On le sent. Alors, dans ces cas-là. Non, mais si, mais oui, bah, parce que c'est important de voter, mais après. Écoutez, on va vous faire. On va vous proposer. Pense à tous ceux qui n'ont pas eu le droit de voter, qui se sont battus pour que tu votes, petit con. On va vous proposer une petite séance de stage avec Guillaume Meurice, qui va vous encourager à vous conscientiser. Anthony Sonigo, je pense qu'on va peut-être vous trouver à la tête d'un mouvement citoyen dans peu de temps. En attendant, on va écouter un autre citoyen engagé qui s'appelle Marius Colucci. Oui, alors voilà, aujourd'hui, donc on vous reçoit, Anthony, pour ce film L'Idéal, qui dénonce la société de consommation, notamment à travers sa pornographie ambiante. Et moi aussi, je vais vous parler de chair fraîche, mais plus exactement de la viande, la bonne vieille barbac. Parce qu'on mange beaucoup trop de viande et il faut arrêter ça. D'abord, c'est pas très bon pour la santé. Notre corps est pas du tout habitué à manger autant de viande. Pendant près de 100 000 ans, on était végétarien ou alors on mangeait de la viande une fois par an. Et ça fait seulement 2 siècles qu'on mange de la viande régulièrement. Donc on n'est pas adapté, on n'a pas muté hein, en 2 siècles. Aujourd'hui, en France, on mange en moyenne 1 steak tous les 2 jours. Mais c'est une moyenne, hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui en mangent beaucoup plus. Donc il y a des gens qui mangent sans doute 1 steak et par jour. Et d'autres pas du tout, comme Guillaume Meurice. Voilà. D'autres pas du tout, voilà, comme Guillaume Meurice. Ce soir, tu auras le droit à une courgette d'anniversaire. Mais on n'a pas du tout besoin de manger autant de viande. Au contraire, trop de viande, c'est pas bon pour la santé. Et je vous parle même pas de l'obésité quand on mange trop de tout. Hein. D'ailleurs, il y a une étude américaine qui prétend que l'obésité, c'est génétique. C'est quand même pas de bol. Une maladie génétique qui touche que les Américains. Ils ont la poisse. C'est moche. Deuxième raison pour pas manger trop de viande, c'est le prix. L'Inde et la Chine, qui commencent à s'enrichir, rêvent d'imiter la société occidentale et se mettent à consommer de la viande massivement. Et quand je dis massivement, c'est pas compliqué, ils représentent la moitié de la population mondiale à eux deux. Il faut donc s'attendre à ce que le prix de la viande augmente de moitié. Et ça va faire cher le barbecue. Donc faites des économies, mangez moins de viande. Et la troisième raison, c'est l'écologie tout bêtement. On parlait de Nicolas Hulot, il serait fou de joie d'entendre ça. Une ferme d'élevage de bœuf, de bêtes en général, ça consomme énormément d'eau. Et l'eau, bah, il y en a de moins en moins. Et avec l'Asie qui s'y colle, si on voulait que tout le monde puisse manger de la viande, on n'aurait pas assez de ressources pour élever toutes les bêtes. Alors, avec la même quantité de ressources qu'une ferme d'élevage, on peut faire pousser des légumes pour nourrir 4 fois plus de personnes. Donc des Guillaume Meurice, on peut en nourrir 4 avec un mec qui mange de la c'est viande. C'est pas une nécessité de nourrir les Guillaume Meurice. Si, plus il y en a, mieux c'est. Continuez, Marius. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait des steaks de soja ou à base de céréales, comme il y en a de plus en plus. Alors évidemment, ça ressemble pas à de la viande, hein, mais c'est pas mal. C'est même assez bon la plupart du temps. C'est même très bon. Et si vous avez des pulsions carnivores irrépressibles, on a aussi un autre substitut à vous proposer, c'est de manger des insectes. Ah. Eh ben ouais, les insectes, c'est bourré de protéines. Bon, culturellement, on n'est pas très habitué, ça nous révulse un petit peu de manger des insectes. Mais partout dans le monde, ça se fait beaucoup et il paraît que c'est très bon. Moi, ça me fait marrer de préparer un bon plat de macarons aux asticots pour ma belle-mère qui reveut de la pizza aux chenilles. Et pour le coup, avec les mêmes ressources qu'une ferme d'élevage, on peut faire nourrir 10 fois plus de personnes. Donc, sauvez la planète, faites des économies et préservez votre santé, mangez moins de viande. Guillaume Meurice, que vous alliez finir en disant mangez Guillaume Meurice. Ouais. Je ne pourrais pas du tout à manger. C'est un cadeau d'anniversaire pour notre ami Meurice. Ouais, c'est très bien, que j'ignorais, mais voilà, joyeux anniversaire. Merci Marius Colucci, on est ensemble jusqu'à 18h avec Anthony Sonigo, qu'on peut voir dans L'Idéal de Frédéric Becbédé, qui sort en salle demain. Et puis il y a aussi votre one-man show En Vrai, j'espère que vous irez dans toute la France pour le montrer. Allez, jusqu'à 18h, on est ensemble, à suivre Thomas VDB. Now when you wake up, night's falling, someone is by your side. Pull it together, darling, you're not alone. But when you break up, sky's falling, no one is on your side. Spoon to the laundry, darling, you're all alone. And when you wake up, another sunrise. Jesus gonna make mine, and it's a Holy Ghost religion. It's a Holy Ghost religion. Jesus gonna make mine. And when you wake up. Voilà. Et autour de la table, Alex Vizorek, en ce jour de grève. Qui va faire un gros mea culpa, qui va vous le dire. Ah, mais oui, passé. Cette information sur Justin Trudeau qui a embrassé son opposant. C'est le Gorafi canadien. Oh je là me là mais là oui, là monsieur là deux. Alors je les applaudis et je me moquerai plus jamais de Christine Boutin. ça va être pendant dur. Pendant deux jours. Voilà, ouais, okay. Et oui, il fallait bien que ça arrive mais en oui, deux ça ans. Ça m'était bon, jamais arrivé, fois, je suis voilà. vigilant. Et voilà, merci, un jour à de nos merci à nos auditeurs sur Twitter qui nous ont avertis, et notamment l'étagère. Voilà, l'étagère ouais. nous a avertis. Vous voyez, je vais y retourner. Nous sommes en compagnie d'Anthony Sonigo. Autour de la table, il y a Thomas VDB et l'attends, Marius Colucci. Et Guillaume Meurice. Bah ouais, c'est reparti, ça y est, les pauvres sont dans la rue encore, voilà. On leur dit En Marche, ils bloquent les rues. Qu'est-ce que ça peut être bête, un pauvre, c'est pas possible. Non mais ça, mais quand Macron il vous dit En Marche, c'est En Marche, mais sur les trottoirs, merde, avec des souliers vernis et un costard. On traverse pas quand le petit bonhomme est rouge. Et quand je parle de petit bonhomme rouge, je parle évidemment de Philippe Martinez après son sixième QB de Côte-du-Rhône. Parce qu'on sait comment ça marche à la CGT pour tenir le coup, ok. Bon, excusez-moi, j'en ai marre que Macron soit la cible incessante des moqueries, hein, sous prétexte qu'il est banquier, voilà, ex-Rothschild, on va pas revenir là-dessus. Moi, je peux vous en parler des banquiers, j'en ai rencontré plein. Je suis allé à un colloque de banquiers qui s'appelait Finance Innovation, et je suis là aujourd'hui avec eux pour dire halte à la haine du banquier. On dit toujours, le banquier, c'est un voleur. Allez voir précisément quelle est la marge du banquier. Non, on a l'impression que c'est des voleurs, parce que des fois, quand on n'a plus d'argent sur notre compte, ils reprennent encore de l'argent. Ça, est-ce que c'est pas un petit peu du vol? Non, c'est pas du vol, c'est-à-dire que c'est payer un service. Eh, mais ça fait que ceux qui n'ont pas d'argent, ils en ont de moins en moins, et ceux qui en ont beaucoup, ils en ont de plus en plus. Il ne faut pas trop tirer sur les... On a besoin et de la finance et des financiers, parce que... Ils savent réfléchir dans les deux sens. Bah voilà, faut que ça aille dans les deux sens. Premièrement, dans le sens de la finance. Deuxièmement, dans le sens du financier. Ok ? Sans ça, on est foutu. Mais bon, allez, pas de panique. La crise est terminée. Ça va beaucoup mieux, selon ce même banquier. Je dirais oui. Il ne faut pas croire ceux qui disent que ça ne va pas bien. Oui. Quand on nous dit qu'il n'y a plus d'argent, en fait, c'est faux. Il y a encore de l'argent en France. Ah oui, bien sûr. Il y en a encore beaucoup, oui. Ah bah alors ? Pourquoi on ne le redistribue pas mieux, alors ? Ah ben, il ne faut pas le distribuer, il faut surtout l'utiliser mieux, pas forcément redistribuer. Ah ben non, on doit mieux l'utiliser, hein. Donc le confier à des professionnels, donc à qui ? Aux financiers. Des banquiers, ben voilà, vous suivez, c'est bien. Non mais parce qu'un pauvre, si on lui donne un peu d'argent, il fait quoi ? Il va le dépenser, ah, c'est oui. pour ça qu'après il en a plus, et c'est pour ça qu'il est pauvre. Vous avez compris ça ? C'est important que vous compreniez, parce que si vous gérez mal votre pognon, vous allez finir bénévole sur France Inter. Hein, donc ça ne va pas du tout, hein, d'accord ? Alors, donc, arrêtez de stigmatiser, je dirais, le monde de l'argent. Et je dis ça également pour François Hollande, avec sa fameuse phrase, mon adversaire, le monde de la finance. Mais quelle bêtise, d'ailleurs. Est-ce que ça a fait flipper les banquiers ? Je suis pas sûr que personne se soit senti vraiment en danger, parce que c'était une formule, disons, de campagne électorale. Vous y avez pas cru ? Non. Bon, moi, je crois pas je n'y crois pas parce que, au fond, les gens sont plus raisonnables que quelquefois ils ne le disent. Voilà. C'est vrai que Hollande s'est montré raisonnable, hein, puisqu'il a rapidement revu sa position. Et sa position, dorénavant, on la connaît, hein, c'est à plat ventre, les jambes écartées, avec une boule de soumission marquée Goldman Sachs dans la bouche. Hein, il est devenu ce qu'on appelle donc raisonnable. Mais bon, ils font faire quand même attention à ce qu'on dit. Hein, y a un autre banquier qui n'était pas très très content de la formule de Hollande. Hein. Faire des excès comme ça, voyez où ça mène. Je crois qu'un président doit être rassembleur, doit... Et non pas diviser, ça c'est jeter l'anathème sur une profession qui représente plus d'un million d'emplois, ça me paraît moi complètement fou. Ça vous a choqué quand vous avez entendu cette phrase ? Ah oui, j'ai été choqué parce que c'est pas digne d'un président. Eh oui, attention à ça, François. Un banquier, c'est sensible quand même. Et puis, c'est plein de bons sentiments, un banquier. Il sait qu'il faut rassembler la France, qu'il faut de tout pour faire un beau pays comme le nôtre, des très riches, des très pauvres, des qui fraudent l'ISF, d'autres qui meurent sur un trottoir. C'est ça, la diversité d'un pays. C'est beau. Le dialogue aussi, c'est important, c'est beau, hein, n'est-ce pas, monsieur le banquier ? Je pense qu'il y a une réflexion des banques, des assureurs et de tout le monde sur la responsabilité financière. Alors ça va prendre du temps, et je pense que les Français sont plus portés, enfin la finance française est plus portée, je pense, sur la régulation. On est sûr de ça, parce qu'il y a quand même la BNP, la Société Générale. Mais malgré tout, quand vous regardez les salaires des patrons de la BNP, de la Société Générale et tout, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe à Wall Street. Mais si on compare avec une caissière, par exemple. Là, mais c'est un autre problème. Ça. Là, c'est un autre sujet. Oui, là, évidemment, ça, le sujet, c'est bien de comparer avec des gens qui sont mieux payés. Hein, sinon, ça compte pas. Évidemment, moi, si je veux me plaindre de mon salaire, je vais comparer avec celui d'un ministre, par exemple, hein, Michel Sapin, par exemple, hein, qui, le temps que je dise cette phrase, a eu le temps de toucher quelques milliers d'euros et l'élastique du slip de quelques journalistes. Passage. Non, mais c'est important parce que l'ignorance, c'est ça qui amène à la haine des banquiers. Hein. Il y a une véritable banquiophobie, hein. On le voit en ce moment en France, y compris dans le milieu du cinéma. Et ça énerve notre banquier. J'ai vu, comme tout le monde, Margin Call, The Big Short, Inside Job, Le Loup Wall Street, va tous. J'ai une phrase classique, chacun a sa place, mais une place pour chacun. S'il n'y a pas les deux volets, ça va péter. Pardonnez-moi si je parle un peu vulgairement. Oula, oui, alors là, ça va péter, je suis désolé, mais c'est un petit peu vulgaire. Je ne sais pas si je vais pouvoir continuer à les défendre, hein, ces banquiers, si eux aussi cèdent à la provocation. Mais bon, qui se rassure tout de même, hein, ils ne seront jamais aussi vulgaires dans leurs paroles que ce qu'ils font tous les jours dans leurs actes. Merci Guillaume Meurice. Vous embrassez votre banquier ? Oui, j'aime ma banque, comme Gad Elmaleh. Anthony Sodigo, vous qui faites aussi des spectacles, des one-man shows, j'aime ma banque ? J'aime ma banque. Oui. Moi, enfin, j'aime plus Gad Elmaleh que... Enfin, j'aime plus... Moi, je... Oui, bref. Oui, voilà, on a compris. Voilà. Le deuxième sujet avec vous, Anthony, un sujet qui ramène au film dont vous parlez, l'idéal de Frédéric Becbédé qui sort en salle demain. Ce deuxième sujet, c'est le nouveau maire de Londres, le travailliste Sadiq Khan, lance un premier combat, c'est la lutte contre les publicités sexistes. À partir du mois prochain, les pubs qui créent une pression pour se conformer à une image du corps parfait, elles disparaîtront du métro et du réseau de bus londonien. Pourtant la pub, c'est de l'art. Hein. Écoutez un petit peu les artistes. Une ravissante femme, ni trop vieille, ni trop jeune, ni blonde, ni brune. Châtain. Brune. Elle regarde la caméra et s'écrit d'une voix suave, mais authentique. Je suis belle, n'est-ce pas? Je suis belle, c'est ce qu'on dit. Mais moi, je ne me pose pas la question. Je suis moi, tout simplement. Elle regarde la caméra dans les yeux. Mon secret, c'est... Starlight. Yes! Yes! Ils vont adorer, hein, sans déconner. Elle reprend. Voilà mon secret. Mais ce n'en est plus un maintenant, puisque je vous ai tout dit. Vous avez reconnu Anthony Sodigo, oui, l'extrait? 99 francs. Et voilà, bien 99 sûr. Francs avec Jean Dujardin, bien sûr. Alors, est-ce que vous, Anthony, vous faites partie de ceux qui regardent les publicités avec un œil un peu critique, ou elles font tellement partie du paysage que vous passez au travers, non, sans faire gaffe? C'est ce qui est drôle avec ces pubs, c'est que... C'est vrai qu'elles sont un peu partout, et si on veut un peu, si on veut pas devenir fou et qu'on veut se préserver un peu de ce qu'on voit, c'est très compliqué, parce que moi les filles, elles me regardent, j'ai envie de rentrer avec elles dans l'affiche. C'est l'objectif. Il y a une affiche en bas de chez moi pour un maillot de bain, je veux le maillot de bain et la fille. D'accord. Alors que le maillot de bain est très moche, hein. Je vois très bien l'affiche. Je vois que l'œil est très très critique sur la publicité. Non, mais bon, c'est... Ouais, c'est vous appréciez. Vous appréciez plus. Oui, voilà, il faut sans après voilà, il faut moi j'aimais bien les publicités qui étaient ciblées pour le public gay, parce que pour le coup, on voyait des mecs un petit peu dénudés, et c'est bien, ça changeait, ça faisait une égalité, quoi. Mais oui, ou les pubs pour les mecs en slip. Voilà, exactement. Yannick Noah faisait ça très bien. Oui, c'est vrai, parce qu'il voulait arrondir ses fins. Non, ça allait pas très fort avec la chanson. Alors, cette injonction de la pub à avoir un corps selon des standards de perfection, etc., des standards que la publicité a décidé, c'est le sujet du film, l'idéal. Vous y êtes pas un peu plus sensible maintenant? Ça vous a fait réfléchir un peu à ce sujet, parce que c'est une véritable satire du monde dans la mode, du marketing, de la pub. Le héros Gaspard Proust est à la recherche du modèle parfait, et ça se joue au centimètre près quasiment. Oui, en fait, c'est tout ce qui est dit dans le film en termes de caractéristiques de mode, c'est vrai. C'est vrai. Les hauteurs de taille, les mensurations, de mensurations, tout ça c'est vrai, et ils cherchent vraiment la femme parfaite. Après, voilà, que ce soit avant le film, c'est vrai que c'est un peu... Voilà, ça ne touche pas tellement. Voilà, c'est un peu désolant, mais quand on est confronté à ça tous les jours, on n'a pas cette réflexion, on dit « ouais, bah, juste elle est mignonne ». Anthony, c'est vrai que les gens n'ont pas vu la tête que vous avez fait. Ah, on est à la radio, j'avais oublié. J'ai lu qu'à 12 ans, vous aviez tourné dans une publicité pour un réseau de fast-food. Oui, comment vous savez ça? Écoutez, je me renseigne, je travaille. Même les jours de grève, je travaille. On l'appelle la Stasi. Ouais. Vous avez fait pas mal de pubs. C'était la première pub, enfin la première chose que j'ai fait dans ce métier, donc ça fait maintenant 10 ans à peu près. Ouais, vous aviez ça nourrit les comédiens, hein, ça permet d'avoir 4 mois tranquille derrière, 4 mois de loyer. Hein, les... Enfin, pas cette pub. Pour... Mais... Ah, je sais pas la vôtre, mais. Donc pas de regret alors, non, sur le fast-food. Non, mais bah, c'était une première expérience, donc non, pas de regret. Ouais. C'est... En fait, pour tout dire sur cette pub où on voit 30 secondes dedans, en fait, je vais avoir le premier rôle de la pub. Voilà, je balance, voilà, là j'ai envie de balancer. Allez-y, lâchez-vous. Je devais avoir le premier rôle de la pub, mais en fait, comme le réalisateur, comme c'est un autre enfant, il a pris, d'accord. Mais c'était moi qui avais le premier rôle, et comme ils m'ont dit, bon, allez, joue dans la vie quand même. Bon, voilà. Il y a eu la revanche, de toute façon, dans Les Beaux Gosses, dans Camille Redouble, et maintenant dans L'Idéal avec Anthony Sonigo. Thomas VDB. Ah, attention, c'est moi. Attention. Je propose qu'on rentre de plein pied dans la chronique actualisique. La chanson française risque de perdre ses quotas. Et tous les chanteurs français demandent qui c'est qui les lui rendra. C'est l'actualisique. Et le générique est sur l'air de la mère Michel. Le mieux, c'est que j'arrête de chanter, que je recommence à faire ma chronique. 1800 chanteurs et artistes francophones se rassemblent aujourd'hui pour préserver les quotas qui obligent les radios à diffuser 40% de production francophone. 1800 chanteurs tous ensemble, c'est énorme. Ce sera un peu comme une très très grande chorale. Ils y sont tous, Cabrel, Goldman, Aznavour pour les plus connus, pour les moins connus, Lefebvre, Bertin et Jalera. Alors, les quotas, ils sont remis en question par une loi qui s'appelle la loi création. Alors, pour ceux qui se demandent s'il existe deux mots plus antagonistes que loi et création, cherchez pas, la loi création, c'est un peu l'équivalent de la loi travail, mais pour les chanteurs. Alors, comme le dit le président de la SACEM, 1800 artistes qui s'allient, c'est une mobilisation sans précédent. On n'avait pas vu ça depuis Adopi. Adopi, c'était une véritable guerre, hein, une guerre qui, je le rappelle, a été menée à grand renfort d'email. Attention, on est Adopi. On a vu que vous avez téléchargé. Alors, attention, parce qu'au prochain téléchargement, faites bien gaffe, parce qu'on va vous envoyer un deuxième email. Ouais, si vous les voyez pas, par contre, n'oubliez pas, s'il vous plaît, d'aller regarder dans vos courriers indésirables. Ah, voilà, évidemment. Non, mais c'est fou de se dire quand même que la personne qui a eu le plus d'influence sur la production musicale française depuis 20 ans, c'est Jacques Toubon. Hein, c'est Jacques Toubon qui est un peu le Dr Dre de chez nous. Hein, on sent vraiment la patte Toubon sur tous les albums sortis en France depuis 2 décennies. La Toubon Touch, hein, la All Good Touch, hein, comme diraient les Anglais. Parce qu'évidemment, je rappelle que si je chante en français comme je suis en train de faire, ça rentre dans les quotas de chansons françaises à la radio. Mais oui. Et si d'un coup je chante Guten Tag, schöne Fraulein, ça sort complètement des quotas, puisque c'est plus du français. Et si je rechante en français, ça re-rend dans les quotas. Et si je refais ich les buddies, c'est plus dans les quotas. Mais la phrase plus dans les quotas, elle rentre dans les quotas. Hein, voilà, je suis en train de mener un enfer à l'inspecteur de la SACEM qui fait les relevés. Good luck, inspector! This is not in the quota. Mais ça, c'est dans les quotas. Bon courage à l'inspecteur de la SACEM. Voilà, donc avec ces quotas, évidemment, la SACEM et les artistes, ils veulent donc préserver le patrimoine de la langue française, la production hexagonale en général et leur revenu. Hein, leur revenu quand même, même si a priori, il faut bien dire que c'est paradoxal d'imposer des quotas. C'est vrai parce que inciter un chanteur à chanter 40% de sa production en français, serait comme dire à un peintre, à partir de maintenant, tu vas utiliser que 35% de couleur ocre. Voilà, et le gars, c'est qu'en France, il y a un chanteur qui s'appelle Nosfell, qui enregistre des albums entièrement dans une langue qu'il a inventée, c'est une langue imaginaire. Voilà, les quotas vont pas être forcément à son avantage parce que rien n'oblige les radios à diffuser un quota de chansons dans une langue imaginaire. Cela dit, heureusement, sinon il y aura plein de à la radio qui fera des 10 juste en pop pop pi banana pam bali bali lo. Je trouvais ça rigolo d'en parler. En tout cas, évidemment, ce qui menace la production française, ce sont les productions anglo-saxonnes. Il n'y a pas de quota qui oblige les radios anglaises ou américaines à diffuser 40% de chansons dans leur langue à la radio, puisqu'ils ne passent que ça. C'est tout dans leur langue. Nous, quand on écoute par exemple les Rolling Stones, on entend « I can get no satisfaction ». C'est dans une autre langue. Mais un anglais, lui, c'est déjà dans sa langue. Le gars, quand il écoute les Stones, il entend « Je n'arrive pas à obtenir satisfaction !» Voilà, il se prend le sens des paroles de plein fouet. C'est vrai que les Anglais, quand ils écoutent du rock ou de la pop, pour eux, c'est tout sardou. C'est tout comme du sardou. Ils se prennent tout comme ça, voilà, c'est... D'ailleurs, c'est vrai que quand on dit même le nom du groupe Rolling Stones, pour nous, c'est dans une langue étrangère, mais pour les Anglais, c'est juste les pierres qui roulent. C'est vrai qu'ils entendent, c'est comme ça qu'ils l'entendent. Ils sont là, ouais, I love the pierres qui roulent. Même si, bon, c'est vrai que l'anglais, c'est la langue du rock, donc c'est vrai qu'ils n'entendent pas les pierres qui roulent, je pense qu'ils entendent plus les pierres qui roulent. Hein, ils l'entendent avec le côté rock. Voilà, donc à l'attention de l'inspecteur de la SACEM qui écoute, cette dernière phrase, évidemment, elle entre dans les quotas. Merci à tous. Merci Thomas VDB, qu'on pourra retrouver sur scène avec Alex Vizorek pour la bonne cause. Mais oui, on joue pour Rires Hôpitaux demain. C'est au Grand Palais. Donc vous tapez clown-hôpital.com et vous pouvez venir nous voir. On est avec plein d'autres artistes. On va rigoler pour la bonne cause. Voilà. À Paris. Très à bien. Paris. Merci. Le troisième sujet avec Anthony Sonigo, c'est qu'il n'y a pas de troisième sujet. Car un membre de notre équipe est en grève et nous ne sommes donc pas en mesure de vous offrir une émission normale. Et puis nous sommes solidaires aussi. Alors on se met en grève 4 minutes avec une chanson qu'on dédie à tous ceux qui défilent dans la rue pour défendre nos acquis sociaux. Pour eux, nous avons choisi, avec Benjamin Riquet, notre réalisateur, ce titre de Mano Solo. Du vent, du sexe et de la sueur, du sang, de la fête et de la peur, des partisans dans ma tête qui s'arrachent à la douleur. Que croyez-vous, je suis comme vous, mes refrains ne changent pas tout. Y'a pas grand monde dans le train, y'a pas grand monde sur le chemin, pas beaucoup d'ombre dans le lointain. Les cœurs qui grondent, des outils pleins les mains, ont disparu des imageries. C'est trop ringard toutes ces conneries. Mais j'ose encore y croire. Je me fais juste mon petit grand soir. Travail, famille, Sarkozy, c'est la compassion pour les nantis. Mais si t'as rien à offrir, prépare-toi à souffrir au rendez-vous. Tu mets des faux fonds d'un trou. Il a des planches et même des clous. D'intérêt à tenir debout. Car si demain tu sers à rien, on va te jeter comme un chien. Pour que tu puisses une fois dans la rue, épouvantail aux mains tendues, effrayer le salarié, fermer ta gueule, pas bouger. Un soir dans le vent, je rejoindrai les partisans de ceux qui ont de l'amour pour la vie. Un soir d'un instant pour comprendre la force d'être unis. Il n'y a pas grand monde dans le train, il n'y a pas grand monde sur le chemin, pas beaucoup d'ombre dans le lointain. Les cœurs qui grondent, des outils pleins les mains, ont disparu des images gris. C'est trop ringard, toutes ces conneries. Mais j'aime encore y croire. Je me fais juste mon petit grand soir. Un soir dans le vent, je rejoindrai les partisans de ceux qui ont de l'amour pour la vie. Un soir dans la nuit, il suffira d'un instant pour comprendre la force d'être unis. Un soir partisans de ceux qui ont de l'amour pour la vie. Un soir dans la nuit, il suffira d'un instant pour comprendre la force d'être unis. Mano Solo pour tous les camarades du vent sur l'album Les Animales. Et Anthony Sonigo nous disait, c'est là que je reconnais l'esprit France Inter. Anthony Sonigo, vous venez de donner 4 minutes de temps de parole aux grévistes, à ceux qui luttent pour les acquis sociaux. Ça vous va? De toute façon, vous n'avez pas le choix. Allez hop! Prise d'otage. C'est la méthode CGT, c'est le 49.3, c'est aussi la méthode du gouvernement. Une autre qui consiste à vous imposer un sketch. Ah, évidemment, le sketch de fin d'émission. Vous avez peut-être entendu que Sepp Blatter, ancien président de la FIFA, a dit qu'il avait soupçonné des gens d'avoir truqué des tirages au sort, notamment par des méthodes qui dévoilent, avec des boules qu'on aurait mis au frigo pour que le type qui tourne trouve plus vite la boule froide à la boule chaude. Vous voyez comment ça va. Alors, évidemment, c'est toujours des footballeurs qui font ces tirages. Alors, comment ça se passe? Vous êtes le footballeur censé faire un tirage au sort. Charline et Guillaume essayent de vous corrompre. On se rend tout de suite dans un de ces merveilleux tirages au sort des compétitions de football. Bon, alors t'as compris, il faut que tu choisisses la boule froide. La boule froide, d'accord, ok. Non, mais sans que les gens s'en aperçoivent. Voilà, pas de agla-gla, c'est oui, froid. Oui, pas okay. De ouïouïou, je me les gèle. Voilà. D'accord, mais comment je fais pour trouver la boule froide? C'est pas compliqué, bon. Je veux dire, nous on va la sortir du congélateur, voilà. Ouais. Ah non, mais elle va geler, donc je vais mettre des moufles et... Parce que moi je suis hyper sensible comme gars, en fait. Ah merde, on n'avait pas pensé à ça. Non. Bon, alors si on met la boule au micro-ondes, est-ce que ça t'arrange? Mais oui, mais alors comment vous voulez que la boule soit froide si vous la mettez au micro-ondes? Ah putain, il est con. Oh là, oh, moi je suis footballeur, j'aime le ballon. Oui, bon, alors si on introduisait dans l'urne une boule de pétanque, par exemple. De pétanque? Oui. Alors là, non, je refuse parce que je refuse d'être goal. Non, mais on te dit pas de jouer au foot avec une boule de pétanque. Non, mais c'est pour que tu prennes la boule la plus lourde pendant le tirage au sort, voilà. C'est clair, non? Mais d'accord, mais si je me trompe et je prends le cochonnet. Putain, voilà. Là on a affaire à un champion, là, je te le dis. Merci, monsieur. Bon, alors attends, on va trouver une autre solution. Oui, alors on a notre sponsor Patafix qui propose d'enduire la boule de colle. D'accord, ça va m'aider, mais après, ça va se voir que la boule, elle reste collée à maman, en fait. Le génie absolu. Ouais. Merci, monsieur. Ah, merci. Oui, c'est ça. Bon, en tout cas, il est poli, c'est déjà ça. Ouais. Bah, puisque j'ai une moufle, si on mettait dans l'urne une boule de neige, comme ça, j'ai pas froid, j'ai une moufle. Finalement, je retire ce que je viens de dire. Oui, c'est ça. Ouais. On peut aussi mettre une boule qui couine quand on la presse. Ouais, comme un chien, mais je veux des chiens. Oui, c'est ça, il est mignon. Comment il s'appelle ton chien? Rocky. Le Gasquet. Pourquoi tu l'as appelé Gasquet? Parce que quand on lui lance une balle, il la rattrape jamais. Ah oui, rien à voir avec Rocky, donc ok, bon. Eh ben, on a trouvé la solution. Oui, je propose un truc. Et si on faisait juste un tirage au sort? Mais quoi? Comment, quoi? Bah comme ça, au hasard pour. Il est mignon, il est drôle. Merci Anthony Sonigo. Excusez-moi, c'est, en fait j'ai un vrai chien qui s'appelle Rocky. Ah oui, on a senti. Et je l'aime. C'est mon compagnon de route, je l'adore. Oui, mais la vanne ne marche pas. Voilà. Oui, parce que lui il attrape la balle. Oui. Contrairement à. Non, lui il attrape rien aussi, donc ça aurait marché aussi. Mais les gens ne sont pas au courant. Ah, c'est voilà. Il a fallu qu'on explique que vous avez un chien qui n'attrape pas la balle. Très compliqué. Mais Anthony, on lui donne un rôle, il s'implique, quoi. Il met de sa vie dedans. Évidemment, même dans L'idéal de Frédéric Becbédé, qui sort en salle demain avec Gaspard Proust, Audrey Fleureau, Jonathan Lambert. Et si je peux rajouter Anna Maria Bartolomé, qui est une jeune comédienne en devenir, et avec très qui bien. J'ai tourné dans Jacques Rome de Fini, de Ria Tsatouf. Merci. Voilà. Le mot de la fin, Nicolas Hulot, qui s'entraîne à se lancer dans la campagne. Nicolas, si tu renonces, on ne t'en voudra pas. Non, je dois le faire, je vais le faire actuellement. Je dois le faire pour moi, pour mon image de marque et pour la France. Je le fais.